cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fakhadna fi darsina al-madhi, ma yata'allaq bi al-ahkam al-shar'iyya, al-takleefiyya. وهذا الباب كما تقدم مهم جدا. On avait cité certains cas pour montrer الأهمية. لماذا هذا الباب المهم؟ تذكرون؟ نعم، لأن هذه الأحكام ترد كثيرا في النصوص. أن هذا الشيء لواجب، هذا الشيء لمستحب، ساسي حرام، ساسي مكروه. كذلك الأحكام الوضعية. هذا صحيح، هذا باطل، هذا سنافذ، هذا سفاسد. لا شك أن هذه الأحكام تعلمها وفهمها سرائدي بكو الفقيه وطالب العلم pour comprendre النصوص أي التكست dans lesquels il y a un حكم qui est cité que ce soit أحكام الأحكام التكليفية والوضعية. كذلك une autre chose importante on l'a cité à la même باب الفائدة تفضل. أحسنت. تنزيل هذه الأحكام في مواضعها et ça c'est très très important et on avait fait un تنبيه في هذا أن المعاملة من ترك واجبا c'est pas comme tu n'auras pas le même comportement avec celui qui a délaissé quelque chose de mustahab, de recommandé. وَمَنْ فَعْلَ حَرَامًا tu n'auras pas le même comportement avec lui que celui qui fait quelque chose de makruh. Et أمر المباح فيه سعة أمر الواسع les choses permises فالحمدلله c'est permis وهكذا فكم on avait cité ensemble كم من فتن وقلاقل وخصومات لماذا لأن ce genre de حكام ils ne sont pas compris. وما تتخوض بعض الناس يخوضون فيما لا يعلمون. وهذه الأحكام تنقسم إلى قسمين. ها ما هي؟ قسمين تكليفية ووضعية. ووضعية نعم. أي الأحكام بيان سور المراد هنا الشرعية. أما يا دي زوتر أحكام عقلية إلى آخره عرفية هذا سي با نوتر سوجي. الأحكام المراد بها هنا الأحكام الشرعية بيان سور أي هذه الأحكام كي سيتي في شرع الله سبحانه. ما يد أحكام on avait cité مثلا أن الكل il est plus grand que الجزء une partie d'une chose elle est plus petite que l'entité elle-même. هذا c'est un حكم عقلي. Même celui qui connaît pas le Coran ou le Sunna il comprend هذا الحكم. نعم. أما المراد هنا الأحكام الشرعية أي كي سون سيتي في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتنقسم إلى قسمين تكليفية ووضعية. Le درس précédent on avait étudié ensemble الأحكام التكليفية. لماذا سميت تكليفية؟ Pourquoi on appelle هذا الحكم حكم تكليفي؟ تفضل. لأنه متعلق بأفعال المكلفين. نعم. لأنه متعلق بأفعال المكلفين والمكلفون الإنس والجن. Donc هذا الحكم il sera lié à un عمل de ce مكلف. Est-ce qu'il doit le faire? Est-ce qu'il ne doit pas le faire? Est-ce que c'est mieux de le faire? Est-ce que c'est mieux de le délaisser? Aucun des deux cas la permission الإذن الإباحة أي المباح. ثم رحمة الله عليه بيّن أن الأحكام التكليفية خمسة. Le premier الواجب. ماذا استفدنا في الواجب؟ ماذا استفدنا في الواجب؟ كل ما أمر الله كل ما أمر الشارع على وجه الإلزام. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فهذا هو الواجب. من فعل الواجب؟ Il manque quelque chose. يتابع على فعله il manque quelque chose. امتثالا لأن البعض ils font le wajib et ils n'ont pas de récompense. On avait cité l'exemple de Al-Munafiqoun. Ils font le wajib, ils ont fait salat, là, qu'ils n'ont aucune récompense. Les mada, les nas, c'était pas mtithalan lillah. Lillahi azza wa jal. ويستحق العقاب تاركه فهذا واضح. Et on avait précisé أن قوله يستحق أي في دون الشرك كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فسلوك دلس واجب فيستحق العقاب. فهذا الواجب. ثم إلى السيت ماذا؟ تفضل. المندوب. C'est quoi la différence avec le واجب؟ العقاب عليه. لا عقاب عليه إن ترك أحسنت زيد إن دوزيام ديفيرونس أحسنت الأمر اللي على غير وجه الإلزام أي l'obligation ou plutôt l'ordre c'est pas sous forme d'obligation là c'est mieux donc c'est pas لازم de le faire هذا أحسنتم المحرم c'est qui peut nous citer le tarif du محرم تفضل على وجه الإلزام بالترك نعم على وجه الإلزام بالترك أي الله سبحانه وتعالى ينزع انتردي أو ينزع نعم انتردي de faire الزنا donc on doit délaisser الزنا et هذا c'est على وجه الإلزام on n'a pas le choix في هذا et celui qui fait هذا الحرام فما عليه فماذا عليه عندما يستحق العقاب هذا c'est مهم يستحق la différence avec le makruh ils ont différencié ماذا entre le makruh et le muharram عندما c'est la même chose que avec le wajib et le mandoub c'est pas على وجه الإلزام ماذا qui est pas على وجه الإلزام الترك أحسنت زيد la deuxième différence تفضل لا يستحق أحسنت نعم إذا فعل قيد ترك إذا فعل المكروه فلا يستحق العقاب والمباح تفضل ما لا يتعلق بأمر ولا بنهي لذاته أي c'est pas un أمر et c'est pas un نهي لكن لذاته لماذا قوله لذاته c'est مهم très très important هذا القيد تفضل نعم الوسائل لها أحكام المقاصد زد Fais le lien الآن. Tu as cité une qaïda. Fais le lien الآن avec هذا التعريف que Cheikh Al-Uthaymin il a cité رحمه الله. أحسنت. لأن il y a des choses c'est permis à la base. Des choses qui sont permises plutôt à la base. Lakin, si cette chose permise, on n'a pas le choix pour faire un wajib que de faire, d'acquérir, d'acheter cette chose permise. Enfin, cette chose permise, elle prend le hukm de la chose qui est muta'alliq biha. Si c'est une salat obligatoire, shira ulma, il devient obligatoire. Bien sûr, tout ça, ala al-qudra, celui qui a la capacité. Si la salat, elle est, c'est une salat recommandée, va acheter cette eau. Pour faire cette salat recommandée, acheter l'eau, c'est mustahab. S'il ne l'achète pas, aslan, la salat, elle n'est pas obligatoire. Wa hakada. Le commerce, acheter, c'est quelque chose de mubah. S'il achète après l'adhan de l'jumu'ah, ça devient haram. L'imam Ali, il y en a cette période, c'est min al-haram. Enfin, s'il fait quelque chose de mubah dans cette période, ça devient haram. فَقَوْلُهُ لِذَّاتِهِ C'est muhim. Et هذا في الحقيقة سمبني على قاعدة مهمة من القواعد الكبرى comme ils appellent علماء الفقه. Et c'est قولهم أن المقاصد أو الوسائل لها أحكام المقاصد وهذا إن شاء الله يأتي معنا dans les دروس في القواعد فهذه الأحكام مهمة جدا et الحمد لله vous avez compris فخمسة الواجب et المندوب ils se ressemblent في فعل الأمر un c'est على الإلزام l'autre c'est على وجه الإلزام على غير وجه الإلزام المحرم والمكروه ils se ressemblent في الترك في النهي Un, c'est à l'ilzam, l'autre c'est pas à la wajh al-ilzam. Et al-mubah, c'est ni un amr ni un nahi. Donc c'est un qism qui cite pour montrer qu'il y a des choses, c'est pas wajib mandoub et c'est pas interdit makro. Donc ça a donné un cinquième qism, al-mubah. Et hadha al-mubah, ça peut devenir une ibada avec un niya comme on a cité. Et ça peut devenir du haram, iyadun billah, si ça pousse à un haram. Hadha al-bab, c'est min ahm al-abwab. C'est compris, hadha al-bab, cette partie. C'est واضح. قال الأحكام الوضعية. أولا, n'oublie pas, akhi, là on est toujours fi al-ahkam al-shar'iyya. هذا c'est مهم. فالأحكام الشرعية تنقسم من قسمين تكليفية الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح les 5 qu'on a vu la semaine dernière. فهذا الباب اليوم c'est الأحكام الوضعية c'est la deuxième partie, le deuxième قسم de l'أحكام الشرعية. فcest toujours lié bien sûr au دين au Coran et à la Sunna. قال رحمه الله الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع أي في القرآن أو في السنة من أمارات أي علامات للثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء فتستفيد من هذا التعريف أولا أن الأحكام الوضعية bien sûr c'est valable pour l'ibadat et c'est valable pour المعاملات on verra أن هذا الحكم c'est valable مثلا pour الصلاة est-ce qu'elle est صحيحه أم لا et كذلك c'est valable pour المعاملات c'est un باب مهم مثلاً, est-ce que cet acte de mariage il est valide أم لا est-ce qu'il est صحيح أم لا قال ومنها الصحة والفساد أما pour différencier entre الحكم الوضعي والحكم التكليفي une des différences elle est مهمة أن في الأحكام التكليفية c'est lié directement avec عمل العبد Tu dois faire cette salade parce qu'elle est obligatoire. Tu dois ne pas faire cette chose, مثلاً الزنا, parce que c'est un grand péché. Ça, c'est l'ahkam taklifiyya. Tu dois faire la salade, qiyam al-layl, ala wajh al-istihbab, et c'est mieux de la faire. Pourquoi ? Parce que c'est une ibadah. Vaut mieux délaisser telle chose, limadha, li anna, c'est makruh. Et si tu le fais, voilà, c'est pas haram. Tout ça, c'est l'ahkam taklifiyya. Huna, c'est pas lié directement au amal du mukallif. Là, c'est pour ça que le premier bab, en fait, al-taklifiyya, c'est des awamir, des nawahi. Et هذا الباب, c'est un bab al-ikhbar. C'est une information, anna, mathalan, la salat, elle n'est pas valide. S'il n'y a pas les conditions, ou s'il y a un mani, ou cet acte, il n'est pas valide. Mathalan, cet acte de mariage, il n'est pas valide. S'il n'y a pas de wali. Si la femme, elle est fil idda, il y a un mani. Vous avez remarqué que هذا الباب, c'est des shurut, des alamat pour montrer est-ce que l'ibada est authentique amla pour montrer est-ce que cet acte il est valable amla donc c'est pas lié directement à ton fi'l il n'y a pas de talab mink là c'est une information ثم cette information ça va engendrer des choses مثلاً si as-salat elle n'est pas obligatoire ou plutôt aqsad, si as-salat elle n'est pas sahiha انت tu le sais pourquoi elle n'est pas sahiha il manque un shart مثلا واحد il a fait la salat et il avait pas le wudu الثمره من هذا العلم c'est que tu sais qu'il devra refaire la salat ففي هذا الحال tu vois le lien entre l'ahkam al-wad'iyya et taklifiyya al-wad Allah subhanahu wa ta'ala il a cité des alama des shurut pour cette salat ça c'est l'ahkam al-wad'iyya si tu sais que sa salat elle est pas acceptée مثلا salat al-duhur il l'a fait sans wudu En tu lui montres qu'il faut qu'il le refasse. Donc, salat al-duhur, elle redevient obligatoire pour lui. Il y en a la première, elle n'est pas valable. On retombe fil ahkam al-taklifiyya. C'est ça, le lien. Wa illa al-ahkam al-wad'iyya, fa kama qal ma wada'ahu al-shari' min amarat, ay alamat, li thubut ou intifa. Imma cette salat, elle est valide, imma elle n'est pas valide. Imma ce contrat, il est valide, imma il n'est pas valide. Dans Usul al-Fiqh, tu ne vas pas étudier les détails. Tu ne vas pas étudier shurut al-salat. Tu ne vas pas étudier shurut al-bay', les conditions de la salat. Tu ne vas pas étudier les conditions pour qu'une vente soit valide. Là, huna, il te cite des usul. Thumma, les détails, c'est dans le fiqh. Et hada, ça viendra en détail akthar fi kutub al-muwassa'a. On peut lire faqat un aperçu de al-mudhakira de l'imam. الشنقيطي رحمه الله هذا الكتاب من أحسن الكتب الأصول لكن توسع فيه et ça demande un certain niveau en langue arabe un certain niveau en في الأصول إلا فالإمام الشنقيطي رحمه الله il était معروف بقوته في اللغة وقوته رحمه الله في الأصول إلى إكري هذه المذكرة على روضة الناظر الإمام ابن قدامة. الإمام ابن قدامة إلى كتاب طيب روضة الناظر ذا الأصول في أصول الفقه عند الحنابلة، لكن يعدي مسائل الخلافية كل ذات مذاهب وإلا سنعليفه ذا أصول. الإمام الشنقيطي رحمه الله إلى ستة مذكرة، مذكرة ذي تعليقات عن شرح، عن شرح على الروضة، روضة الناظر. قال dans ce livre وعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف c'est l'ahkam taklifiya qu'on a vu. Telle chose c'est obligatoire, telle chose c'est interdit, telle chose c'est recommandé, telle chose c'est détestable, telle chose c'est permise. Les cinq. قال وخطاب الوضع أي الصحيح والباطل أو الفاسد النافذ وغير النافذ dans les عقود. قال بفريقين ظاهرين وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما أن يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقى من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصب. هذا مثال طيب pour te montrer أن أحكام الوضع c'est pas lié à أحكام المكلف. مثلا une علامة pour que الصلاة soit صحيحة c'est دخول الوقت. مثلا وقت الظهر c'est عند الزوال. On peut prendre un exemple plus simple. Au وقت المغرب c'est عند غروب الشمس. Quand le soleil se couche, avant la salat elle n'est pas permise. Si quelqu'un fait salat al maghrib avant que le soleil se couche, ولو بدقيقة ولو بلحظة sa salat elle n'est pas acceptée. Et s'il le sait, il faut qu'il refasse la salat. وهكذا on peut prendre un mani, c'est une femme. Elle fait le siyam. Elle est tahira. Elle n'est pas touchée par le haïd, par les monstrues. Et si avant ghuroub al-shams, walou quelques secondes, elle a ses monstrues, le siyam il est batil. Elle doit refaire ce jour. C'est ça, hukmul wad. Vous avez vu qu'il n'y a pas une demande de fi'l. Là, c'est une alama, c'est un signe, une condition qui te permet de savoir est-ce que cette adoration ou ce contrat, il est valable ou pas. فلهذا قال أن خطاب الوضع علامته أنه إما أن يكون في قدرة أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقى من الحيض. كذلك الحكم الوضعي أحيانا سيبا في قدرة العبد، أي سيبا توا كي تبات فعل فعل. مثلا إسك أنت tu as de la قدرة pour changer le وقت، لا أنت tu attends فقط. Si l'heure elle rentre il y aura des adorations. هكذا la femme إسك c'est la femme qui choisit quand est-ce qu'elle va faire le siyam أم لا par rapport à ces règles-là. Il y a l'attente. Si elle voit l'alama, elle ne fait pas le siyam. Si elle est purifiée, elle fait le siyam. C'est ça, al-hukm, al-wada'i. Qala ou yakoun fi qudratihi, et ça c'est important, an yakoun fi qudratihi, et ce shurt, il est dans sa capacité, lakin la yu'mar bih. Lakin la yu'mar bih. La première alama, ce n'est pas dans notre capacité. Le premier cas. Mathalan, le soleil se couche. Ce n'est pas dans notre capacité. Maintenant, pour la femme, les règles, ce n'est pas dans sa capacité. Elle ne peut pas contrôler هذا الشيء. C'est une chose naturelle. Si elle l'a, elle ne fait pas. Et si elle ne l'a pas, elle fait. Maintenant, as-salat wa siyam. قد يكون في قدرته لكن لا يؤمر به كالنصاب للزكاة. النصاب, c'est un شرط parmi les شروط pour sortir la zakat. النصاب, ça veut dire quoi? Ça veut dire une certaine somme. On peut قدر مثلاً 3000 euros. Celui qui a 3000 euros ou bien sûr mimbab ou la plus, la deuxième condition c'est le haoul, que cette année, que cet argent pendant une année, c'est ça le haoul. Donc tu as deux choses, tu as l'année, la première condition al haoul, et tu as le nisab, la somme. Huna al imam shanqiti la sida al nisab, on va dire c'est 3000 euros. Est-ce que quelqu'un qui a 2000 euros, est-ce qu'il doit faire des efforts pour travailler et économiser hatta il a 3000 euros pour sortir la zakat? Abadan. Ça c'est un hukm wada'i. Contrairement au hukm taklifi. Hukm taklifi ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'as la zakat, si t'as l'argent plutôt, t'as 3000 euros, wujuban tu dois sortir la zakat. Hukm taklifi. Hukm wada'i il te montre que si tu arrives à 3000 euros, tu devras sortir la zakat. Lakin si tu as 2000, est-ce qu'on va dire tu as 2000 euros, akhi, tu dois faire des efforts. Tu dois économiser. Hatta tu arrives à 3000 et tu sors la zakat. Abadan. Il a 2000 euros, s'il veut, il les utilise, il fait l'umra, il achète une voiture, et après il aura plus d'argent, il sort pas la zakat. Mais imaginez, واحد لو فهم ان الحكم وضعي متعلق او متعلق بالطلب, et il lui dit tu as 2000 euros là, tu peux pas les utiliser. Tu dois encore économiser jusqu'à 3000 et tu sors la zakat. Abadan. Vous avez vu la différence fil amal entre al-hukm al-taklifi ou al-hukm al-wad'i. Et هذا في الحقيقه son détail, ça peut être compliqué. فلهذا أهل العلم يتتعي هذا في مثل هذا الكتاب المذكرة de l'imam الشنقيطي, لكن هذا c'était pour vous donner فقط un مثال et pour vous montrer كذلك la différence entre هذا المختصر الأصول من الأصول شو العثيمين, c'est un résumé, il n'a pas tout cité bien sûr, et un livre un peu plus vaste comme المذكرة. On revient الآن à l'ahkam الوضعية. Vous avez compris la différence, on répète le tarif. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات, الأمارات العلامات, مثلا علامة الحيض, le signe que la femme a ses menstrues, c'est l'écoulement de sang, مثلا ça c'est une علامة. Si elle a cet écoulement de sang, il y aura des choses, elle peut plus faire salat, elle peut plus faire siyam, elle peut plus avoir de rapport avec son mari, il a akhiré. Ça c'est un حكم وضعي, أي الله سبحانه وتعالى ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont cité des choses fil Qur'an wa fil Sunnah pour savoir est-ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire, est-ce que c'est valable cette chose ou ce n'est pas valable. C'est ça le hukm wad'i. Al-ahkam al-taklifiyya, c'est des awamir et des nawahi, tu dois faire, tu ne dois pas faire, imma ala al-ilzam, imma ala ghayr al-ilzam, qala ou intifa ou nufud ou ilgha. Tout ça on verra inshallah dans les exemples. Thubut, c'est pour montrer que cette chose thabita, sahiha. Intifa, c'est pour montrer que cette chose elle n'est pas valable, batila. Nufud, pour montrer matalan que ce contrat de mariage il est nafid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le contrat de vente il est sahih, ça va impliquer des choses. Matalan, je t'ai vendu ce livre avec un contrat sahih. Les shurut sont bien présents, il y a aucun mani', il n'y a aucune chose qui montre que le contrat il est annulé, la vente elle est faite. Al-Nufud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce livre, il n'est plus dans ma propriété, il sera à toi. Est-ce que je peux prendre ce livre, l'ouvrir quand je veux le lire? Là, c'est fini, c'est à lui, lui peut le revendre, il peut me le prêter, il a akhiré. Ça nous montre, fil uqud, si il est sahih, ça va impliquer des choses. Qal ou ilgha? Al-ilgha, c'est, tu peux traduire par annuler. Mathalan, ce livre c'est le mien, on fait un acte de vente. L'acte de vente, il y a un problème, il n'est pas sahih. Enfin, l'acte il est annulé, ce livre il reste à moi. Tu ne peux pas le prendre. Tu n'as aucun haq, shar'an, de prendre ce livre. Il reste fi milk, le premier. Aï, indi, hada. Qala, wa minha as-sihhatu wal-fasad. Ça nous montre, qawluhu minha. Et que l'ahkam wad'iyya, il y en a plusieurs. Lakin, Huna Cheikh Ibn Uthaymeen, il en a cité deux. As-siha et le contraire, al-fasad. Et la validité est quelque chose qui n'est pas valide. Que ce soit une ibada, mathalan as-salat, est-ce qu'elle a accepté amla, et que ce soit, bien sûr, fil mu'amalat, est-ce que ce contrat, il est valide amla. Wa hada kadhalik, c'est un bab muhim jiddan. Combien de gens, ils ont des problèmes, que ce soit dans les contrats de mariage, ou dans les contrats de vente dans le commerce, les malades, ils ne savent pas quand est-ce que l'acte il est sahih, ils ne savent pas quand est-ce que ce contrat il est valide, ils ne connaissent pas c'est quoi les conditions, ils ne connaissent pas le fait que s'il manque une condition, c'est pas valable. Comme les gens, ils ne savent pas est-ce que je dois refaire siyam, est-ce que je dois refaire as-salat. Combien de femmes elles ignorent tout ce qui est lié au menstrue, à la purification, alors que c'est quelque chose de très très important. Ça peut impliquer qu'au salat, elle n'est pas acceptée. Au siyam, il n'est pas accepté. Hadil ahkam, elles sont très très importantes. Qala fa sahih lughatan. Donc il a cité deux. Qulna wa minha, ça montre qu'il y a des autres. Car rukhsa, mathalan, huna, il ne l'a pas cité. Les malades, il y en a, c'est un livre de débutant. Enfin, les deux plus importants, c'est as-siha wa al-fasad, la validité et la non-validité. قال في الصحيح لغة السليم من المرض. Ça c'est linguistiquement الصحيح, c'est السليم من المرض, c'est celui qui n'est pas malade. واصطلاحا, ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا أي هذه الصحة ça va impliquer des choses. Ça va impliquer des choses. On a cité l'exemple dans le contrat. Dans le contrat. Si l'acte il est valide, ça va impliquer des choses. مثلا, cette femme, si elle se marie, l'acte il est valide, ça va impliquer une chose, que cet homme il peut avoir des rapports avec elle. Cet homme il peut rester avec elle. Cet homme, elle doit lui obéir. L'obéissance, elle n'est plus au père, elle passe au mari. وهكذا. قال في الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الصحيح من العبادات. Vous avez remarqué que هذا الباب, pour le comprendre, il faut différencier entre les adorations et العقود. أي المعاملات. Les adorations, الصلاة, الصيام, etc. العقود, on citera souvent l'exemple du contrat de mariage ou le contrat de vente. قال فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة. أي Salat al-Dhuhr, elle est obligatoire. Celui qui ne fait pas Salat al-Dhuhr, c'est très très grave. Ou Salat al-Asr. Celui qui l'a fait, sa Salat al-Sahiha, fa-al-Dhimma al-Bari'a. Aïe, alhamdulillah, il a fait l'obligation. Donc il n'encourt plus le châtiment. Qala, wa saqata bihi al-Talab. Kadhalik, celui qui a fait Salat al-Dhuhr, et Salat al-Sahiha, il l'a fait en direction de Qibla, avec l'Odo, avec ses Shurut, avec l'Arkan. On ne va pas lui dire refais la Salat. Salat al-Dhuhr, c'est une fois. Thomas, il va faire des salawat, bab al-nawafil, c'est autre chose. Amma al-wajib, c'est une fois. S'il le fait, fasaqata bihi at-talab. Ça, c'est fait l'ibad. Et ça ferme un bab, al-wuswas. Al-wuswas, si tu as fait ta salat, et elle est sahiha, avec ses conditions, avec l'arkan, l'insan, il n'a pas le droit d'exagérer. Abadannas, iyadan billah, ils sont atteints par une maladie qui les pousse à exagérer, fasalat, elle est sahiha. Ils ont fait l'odo, ils ont été au masjid en direction de la Qibla. Ils ont récité le Fatiha, il a akhiré. Toutes les conditions, tous les arcanes, tous les piliers, et ma'ahada, ils la refont. Limada li annahum ya'taqidun anna, elle n'est pas sahiha. Alors que as-sihha, c'est lié avec des conditions et des mawani', des conditions et des annulatifs. Si tu as fait les conditions et tu n'as pas eu un annulatif, limada, elle serait batila. Lakin as-shaytan. Il fait beaucoup de mal aux musulmans, هنا, à certains musulmans plutôt, et ils pensent qu'il faut refaire. Et هذا, on l'a déjà cité كثيراً. قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. هذا, on l'a cité. Et si le عقد est صحيح, je t'ai vendu ce livre. Qu'est-ce que ça va impliquer? Que ce livre, il va basculer de ma propriété, ça va devenir ta propriété à toi. Donc je ne pourrai plus utiliser ce livre comme je veux. Je pourrai l'utiliser si tu me donnes l'autorisation. L'imada, l'anna, c'est à toi. Donc c'est plus ton livre. Et هذا, il y a une faïda arima, il y a beaucoup de problèmes. Ils font du commerce avec certains, et l'aqd il est sahih, et l'objet il bascule. Ça devient la propriété de l'autre, et où il pense que. Il peut encore l'utiliser une certaine période, il a akhir. Et ça fait des problèmes. Comme une mashakil fi hadha al-bab. Parce que ça nous montre que si l'aqd il est sahih, cette chose n'appartient plus à hadha al-insan. Qala, wa la yakun al-shay sahihan illa bitamam shurutihi wa intifa mawani'i. Wa hadha, c'est très très important. Hadha al-bab fi al-shurut wa intifa al-mawani'i. On en a parlé كثيرا في باب التكفير ان نطخ الدين يا دي شوز كو سوا دي عبادات او دي معاملات دي عقود سي فوندي سور هذا pour que cette chose elle soit sahiha faut des shurut il faut s'écarter des mawani' des annulatifs فمثلا الشهاده فلها شروط الشهاده لها شروط le fait de dire اشهد ان لا اله الا الله il y a des conditions. Parmi les conditions les plus importantes, elle est ikhlas. Celui qui dit la ilaha illallah et il n'est pas mukhlas, al-shahada n'est pas appliquée. Shahada n'est pas valide plutôt. C'est un mushrik. Billah, azza wa jal. S'il fait du shirk, c'est un kafir billah, subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, al-shahada n'est pas acceptée. Kadhalik, il y a des mawani'. Ce qu'on a étudié ensemble, finawaqid al-islam. Al-shahada a des annulatifs. Maintenant, celui qui dit ashhadu an la ilaha illallah. Donc, il sacrifie pour un mort, ou il demande à un mort, ou iyadan billah, il saddaq un sorcier, ou il insulte Allah. Tout ça annule هذه الشهادة. On voit l'importance des shurut et des mawani', que ce soit في العبادات أو في العقود في المعاملات. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين ولا يكون الشيء صحيحا. لماذا؟ لأن faites le lien avec ce qu'on vient de citer. الأحكام الوضعية c'est الصحيح et le contraire de الصحيح c'est الفاسد الباطل. هنا il te montre أن الشيء pour qu'il soit صحيح فلا بد من إلا بتمام شروطه. Faut qu'il y ait les conditions. Et il ne faut pas qu'il y ait une chose qui annule cette adoration ou ce contrat. قال رحمه الله مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تام شروطها وأركانها وواجباتها. Donc الصلاة un musulman qui fait الصلاة avec toutes les conditions. قال والأركان والواجبات فلا شك أن في هذا الحال الصلاة الصحيحة. أما انظر واحد في الصلاة et il se met pas en direction de la Qibla. الصلاة elle est pas acceptée. Et si on l'informe il doit refaire الصلاة. لماذا؟ لأن il manque un شرط أي الاتجاه إلى القبلة. قال ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تاما أو تامة أو نعم أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. إيه نعم. إيه هنا on détaillera pas الشروط والموانع. Est-ce qu'il a cité des exemples؟ نعم il a cité des exemples فنقرأ. قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. هنا il y a un point important. Et le détailler, ça peut compliquer pour certains. Laquelle on essaie de simplifier. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. Vous avez remarqué que الشرط, si on manque un, الصلاة, العبادة, elle n'est pas valide. أو العقد, المعاملة, elle n'est pas valide. مثلا, si c'est un acte pour un achat ou une vente. فتأملوا هذا فإن فقد سي مانك ان شرط ميم سي على زوت شرط مثلا شروط الصلاة on peut citer القبلة on peut citer الطهارة on peut citer النية سي il manque un شرط ميم سي على زوت الصلاة elle est باطلة مثلا il a une bonne intention et il a fait l'auto ثم il fait pas الصلاة en direction de القبلة on lui dit refais الصلاة فالصلاة elle est pas صحيحة. مفهوم. Donc هذا قوله فإن فقد شرط من الشروط. Faut bien comprendre que s'il manque un شرط même si les autres ils sont présents, le fait qu'il manque un شرط ça annule. Et ça nous montre l'importance de connaître الشروط. Pourquoi les ulama ils détaillent مثلا في الصلاة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب il a écrit une رسالة في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. Il a démontré رحمة الله عليه les conditions, les piliers, les obligations. لماذا؟ لأن par rapport à ces conditions, à ces piliers, ça va impliquer des choses. من حيث الصحة والبطلان. Est-ce que الصلاة elle a accepté أم لا؟ C'est pour ça qu'étudier هذا في كتب الفقه c'est مهم. أما في الأصول il te montre فقط c'est quoi الصحة et c'est quoi البطلان. Est-ce que ça va impliquer et c'est valide أم لا؟ أما les détails dans chaque عبادة c'est في الفقه. قال أو وجد مانع. أما الموانع c'est si y a un مانع. S'il y a un mani, même s'il n'y a pas les autres, as-salat, elle est batila. Mais vous, maintenant, min mawani, as-salat pour les femmes, al-hayd. C'est un mani. Le mani, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une chose, tu ne peux pas faire l'as-salat. Même si tu as les conditions. Maintenant, on ne va pas prendre as-salat. Il y en a as-salat avec al-hayd, avec la purification, c'est un shart, ça peut compliquer, on devra expliquer encore plus. On va prendre as-siyam. Est-ce que at-tahara, c'est une condition pour as-siyam? عندمان. Est-ce que الطهارة c'est une condition pour le صيام؟ لا. تذكر الدليل حديث عائشة رضي الله عنها يصبح نعم يصبح صائما وهو جنب. لماذا؟ لأن عليه الصلاة والسلام il avait des rapports avec ses femmes ثم il était en étant janaba, لماذا؟ لأنه il a eu des rapports. ثم il y avait l'adhan. Et la journée elle a commencé de se signer. Et النبي صلى الله عليه وسلم il était en étant janaba. Donc cette période ça montre que As-Siyam, At-Tahara, c'est pas une condition. On peut donner un autre exemple plus simple. Maintenant, Anta, tu fais As-Siyam. Tu dors. Après Dhuhr, en pleine journée, tu te réveilles et tu as eu l'ihtilam. Le liquide, il est sorti. Tu n'es plus en état de purification. Est-ce que ton siyam, il est annulé? Abadan. Ton siyam, il est valide. Fi hadha al-hal. On reprend un siyam pour la femme, donc. Un siyam, une femme, elle a les shurut. C'est une muslima. Il a akhir, elle a la bonne intention. Lakin, elle a un mani'. Un mani', c'est quoi? C'est l'haïd. Un siyam, dans son cas, il n'est pas valide. Elle est obligée de le refaire. Donc, vous avez vu, anna shurut, kama qala, fa in fuqida, s'il manque un short, l'adoration, elle est invalide. On a cité l'exemple de l'Qibla. Et s'il y a un mani', l'adoration, kadalik, elle n'est pas valide. Maintenant, une femme, elle a un mani', c'est quoi? C'est al-hayd. Son siyam, il est invalide. Elle est obligée de le refaire. Même si c'est dans une courte période. Le short, il doit rester avec toute la ibadah. Maintenant, al-niyya, c'est toute la ibadah. Al-Qibla, c'est toute la ibadah. Al-Tahara, c'est toute la ibadah. Fa-hakada, al-hayd. Si le hayd, al-mani', il est à un moment, la l'adoration elle est plus valide. فهذا قوله فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. العلماء on peut citer les تعاريف هنا يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم. Vous écrirez à la fin du dors هذا. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. هذا c'est الشرط. Si vous avez compris ما تقدم قوله ما يلزم من عدمه Al-Adam, s'il manque un short, la ibadah n'est pas valide. Qala, wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Et s'il y a ce short, ça ne veut pas dire que la ibadah est valide. L'exemple, pour vous illustrer, s'il manque la qibla, le moussali ne se met pas en direction de la qibla, son adoration n'est pas acceptée, elle n'est pas valide. Elle est batil, elle n'est pas sahiha. S'il a le short, s'il a la condition al-qibla, est-ce que l'adoration elle est acceptée? Elle est valide? Aïndaman? Aïssa, elle aime bien ces questions. Tawaddal. Réponds à la question. Elle est valide, Amla? Si il manque un autre charte, elle n'est pas valide. Mais vous, falihada, al-akh, avant de le couper, il avait cité hada. Faqouluhu. Ma yelzam min adamihi l'adam. S'il manque un charte, elle n'est pas acceptée. Ça ne veut pas dire que s'il y a la condition de l'Qibla que la salat elle a accepté. Il peut se mettre en direction de l'Qibla et il lui manque un autre short. Maintenant, il se met en direction de l'Qibla et en fait, il n'a pas le wudu. Donc, sa salat elle n'est pas acceptée. Pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'il y ait toutes les conditions. Ijtima' ash-shurut. Si on manque un, la salat elle n'est pas acceptée. Thumma qalu fil mani' ma yalzam min wujudihi al-adam. Ma yelzam min wujudi l'adam. S'il y a un mani', la salat elle n'est pas acceptée. Mathalan, la femme, elle a une bonne niya. Bien sûr, c'est une muslima. Elle est aqila, elle est baliqa. Elle a toutes ses conditions, lakin, elle a les menstrues. Ce jour de siyam, même si elle le fait, il n'est pas accepté. Bel c'est haram. Limadha li anna ya mani'. Donc, qawluhu ma qawluhu wa la yelzam. أو المانع وما يلزم من وجوده العدم أي سيا أمانع سيبا أكسبته ولا يلزم من عدمه الوجود أي سيا لابل حيد إذن كسا بدير كسيام إلي فاليد لا peut-être كلا كلك شوز دوتر مفهوم دونك قوله فإن فقد شرط من الشروط سا سا نو مونتر أن سي مانك أن شرط أو وجد مانع أو يا أمانع أن أنولاتيف كلك شوز كي أمبش كسات عبادة سوى صحيحة. L'adoration, elle n'est pas valide. Et les ta'arifs, incha'Allah, à la fin du cours, et هذا الباب سهل. Celui qui n'a pas retenu هذا au début, c'est très très simple. L'essentiel, retiens ma dhakarahu, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, avec les exemples, et c'est suffisant pour l'instant. قال, مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. Donc, l'exemple, أن نعم مثال فقد الشرط l'exemple انه manque un short dans l'ibada faire salat sans at-tahara نعم sans wudu sans les ablutions هذا لا شك la salat elle est pas acceptée مثال فقد الشرط في العقد un exemple انه manque une condition dans un عقد ان يبيع ما لا يملك ça c'est un short dans le commerce dans la vente Tu dois vendre ce que tu possèdes. Si tu vends une chose que tu ne possèdes pas, hada c'est batil. Mathalan, بعضهم ils le font, ils ont des hiyal. Ils savent qu'une voiture elle se vend dans tel endroit, dans un marché mathalan, et anta il te la vend à toi alors que c'est même pas la sienne. Si tu acceptes, anta tu lui dis tayyib. Si tu acceptes, huwa qu'est-ce qu'il fait? Il va, il achète la voiture, thumma il te la revend. Hada la yajouz. Limadha li'anna au départ quand vous êtes mis d'accord là, il t'a vendu une chose qui n'était pas encore à lui. Et l'hikma elle est واضحة. Yanna rubama il se met d'accord avec toi, thumma il va voir l'autre et l'autre il la vend plus. Hada la la yambaghi la yajouz. Donc al-milk, le fait de posséder la marchandise, c'est un shart. Qala mithal wujud al-mani' fi al-ibada. Vous avez remarqué l'an, il a cité deux exemples dans Al-Ibada et dans Al-Uqud, dans ce qui est lié avec le shart, quand il manque un shart. Al-An, il va citer deux exemples s'il y a le mani'. Wa mithal wujud al-mani' fi al-ibada an yatatawwa' bi nafy mutlaq fi waqt an-nahy. Al-tanafful, c'est مثلا une salat recommandée هنا. An yatatawwa' bi nafy mutlaq. في وقت النهي تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام il a interdit de faire des nawafil في الصلاة مثلا avant le maghrib. C'est un وقت نهي, juste avant que le soleil se couche. هذا الوقت c'est pas permis de faire un nafl. تأملوا هنا قالوا بنفل المطلق. لماذا ça fait sortir un nafl qui n'est pas مطلق. Un مطلق ça veut dire quoi? Qui n'a pas de sebeb. مثلا واحد il est assis avant le maghrib, il reste un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et il se dit je vais faire des nawafil, et il se lève et il fait des nawafil, deux rak'a, deux rak'a. Cette salat elle n'est pas acceptée. لماذا لأن هذا الوقت مانع. Qui c'est qui a cité ce mani'? C'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est fi shar'ina. C'est pour ça que c'est un hukm wad'i. Celui qui fait à ce moment, c'est pas accepté, la salat elle n'est pas acceptée, elle est batil. Amma si c'est un nafl qui n'est pas mutlaq, qui est muqayyad avec un sabab, c'est autre chose. Celui qui rentre dans le masjid avant le maghrib, 5 minutes, 10 minutes, même juste avant le muhim, al-shams maghrabat, et il fait tahiyyat le masjid, sa salat, on ne va pas dire qu'il n'a pas le droit. Sans regarder ce que tahiyyat le masjid est obligatoire, là, ça c'est un autre sujet. Pour vous montrer la différence avec le nafl al-mutlaq. قال on répète ومثال وجود المانع في العباده ان يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي فهذا c'est haram ali. Est-ce qu'il est athim? C'est autre chose. Bien comprendre hada. Cheikh Al-Uthaymeen il a cité hada fi sharhi. Bien comprendre ان المراد والكلام هنا il est في الصحه وعدم الصحه. Est-ce qu'elle est acceptée ام لا? اما الاثم c'est quelque chose de zaid. Al-Ithm, ça veut dire est-ce qu'il a des péchés, Amla? Ça, c'est autre chose. Il y a une autre mas'ala, Kadalik, est-ce qu'il est récompensé, Amla? S'il est ignorant. Cheikh Al-Uthaymeen, il a montré, rahmatullah alayhi, anna, par rapport au péché, s'il est ignorant, lâchez, allez. Rabbana la tuakhidna inna sina wa akhta'na. Ça, c'est minbab al-khata, minbab al-jahal. Il ne sait pas. Donc, s'il a fait des nawafil, مثلاً, tu l'as vu au masjid ou chez toi et tu sais qu'il fait des nawafil mutlaqa, il n'y a pas de sabab, tu lui montres que as-salat n'est pas acceptée via dalhal. Et s'il te demande est-ce que j'ai fait des péchés, je fais tawbah, tu lui dis là, lâche, allez, tu ne savais pas, lakin ne fait plus salat sans raison avant le maghrib. Les madhali, on a des usul, on a des ahkam wad'iyyan, à ce moment, il y a un. Ce n'est pas un moment pour faire as-salat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit, donc on ne fait pas. Est-ce qu'il est athim s'il est ignorant là? Si c'est. Mathalan, tu le conseilles et il continue. Le lendemain, il continue, il n'écoute pas. Ah, il fait salat et il a des péchés. Limadha li'anna cette salat, c'est plus l'imtithal al-amr, al-mustahab. Et c'est plus pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'anna on lui a montré et il s'entête. Fahadha c'est min bab al-hawa. حقيقة هذا يسوي سيباسيون يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بعمد أي avec science. فهذا il a des péchés والله أعلم. بقي s'il est ignorant il a fait salat, est-ce qu'il est récompensé pour cette salat? الله أعلم. Cheikh Al-Uthaymeen dans son charh il ne s'est pas prononcé. قال الله أعلم. Je ne peux pas dire il n'a pas de péché, je ne peux pas dire il n'a pas de hasana لأن فضل الله واسع. Il était ignorant, est-ce qu'il va être récompensé par rapport à son intention, le fait qu'il a fait cet effort à salat il a akhiré, ou il n'est pas récompensé لأن أصلا c'était pas permis via dalhal. Fahada Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala يفعل ما يريد يغيكمبونس كي يفو سبحانه. ومثال وجود المانع في العقد. Vous vous rappelez du mital فقد الشرط. Vendre une chose qu'on ne possède pas. Il manque la condition. La condition, c'est qu'on doit vendre ce qu'on possède. Alors, un exemple, il y a une chose, un annulatif par rapport à ce aqd. قال أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. Ça, c'est un مانع. Vous avez remarqué que les conditions de la vente, elles peuvent être remplies. Mathalan, il y a eu la dinde de Jumu'ah. On va donner une heure, comme chez nous à peu près, à 13h30. À peu près 13h30, c'est le Jumu'ah. Ils ont fait la dinde. À 13h40, les gens, ils sont filmés, je dis, le khatib, il fait le Jumu'ah. Cet waqt, les musulmans, ils n'ont pas le droit de faire de commerce. On parle de les hommes qui doivent assister. Ils ne doivent pas faire de commerce, fi hadha al-hal. Hua, il vend. Pourtant, il a les conditions. Il a les conditions. Il vend quelque chose qu'il possède. La marchandise, elle est claire. C'est pas min bay al-gharar, une chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher. Il a akhiré. Toutes les conditions, elles sont remplies. Il y a un mani'. Cet exemple est taillé pour vous montrer les conditions et le mawani'. Il y a un mani'. C'est quoi? C'est que ce temps, tu n'as pas le droit de faire du commerce. Comme avant le maghrib, tu n'as pas le droit de faire au salat. Ça, c'est des ahkam wad'iyya, des alamat, pour te montrer qu'il y a certains, tu n'as pas le droit de faire certaines mu'amalat ou certaines ibadat. Si il vend via hadal hal, fala yajouzou la. Fali hada, qala shaykh ibn Uthaymeen, an yabi' man talzamuhu al-jumu'ah. Ça fait sortir, mathalan, une femme qui n'est la talzamuha al-jumu'ah. Al-jumu'ah, ce n'est pas obligatoire pour les femmes, elle est chez elle. Et les hommes, ils font al-jumu'ah, ils sont fil jumu'ah plutôt, ils font salat al-jumu'ah. Ou ils assistent à la khutbah, et elle chez elle, elle vend. Elle a vendu à une sœur un livre, un téléphone. Puis hada hal, c'est permis. Tant que c'est une chose permise, il a akhiré. Enfin, faut bien comprendre hada. An yabi' man talzamuhu al-jumu'ah, ça fait sortir man la talzamuhu shay'an ba'd nida'iha al-thani 'ala wajhin la yubay. Qawluhu ba'd nida'iha al-thani 'ala al-qawl annahu ya an adan deux adan. Al-muhim, comprend le qawl qu'il y a deux adan, ou comprend le qawl qu'il y a un adan. Al-muhim al-adan ou Al-Khatib, il monte sur le minbar. Et la khutbah, elle commence. Hada al-murad. Et waqt, le début de Al-Khutbah. Enfin, quand il y a cet adhan, et en général, Al-Sunnah, c'est que le Khatib, il est déjà. Al-Khatib, quand il monte sur le minbar, Al-Muaddin, il doit faire l'adhan. Enfin, fi hada al-hal, c'est interdit le commerce. Qala ala wajhin la yubah. Ça fait sortir un cas, hada, indaman. Ala wajhin la yubah. Ça nous montre que fi wajh, il peut avoir un wajh. C'est moubah. Aïndaman, c'est fondé sur une qaïda ma'roufa. Aïndal et terar. Mathalan, il a fait l'adhan. C'est interdit de faire du commerce. Tout le monde est fait rentrer au masjid, le khatib il s'apprête à commencer. Fait adal hal, c'est interdit. Même ceux qui vendent devant le masjid, ils doivent arrêter et rentrer vers le masjid faire ça là. Wahad il vient, min al muslimin. Et il reste un magasin qui veut fermer et il l'interpelle et lui dit « Akhi, tu dois me vendre de l'eau. » L'imada. Et il lui dit « La khutbah, elle a commencé. Anna, je ne peux plus faire de commerce. Je ne peux plus te vendre. » Et il lui dit « Lakin, Anna, il n'y a pas d'eau. Matalan, y a pas, dans ce masjid, il n'y a pas de toilette. » Et il lui dit « Anna, je n'ai pas d'eau. Je dois faire l'eau. » Fi hada al-hal yajouz. L'imada li anna yundaroura. Yundaroura, fa fi hada al-hal, sahib al-mahal, sahib al-baqala. Il rentre, il lui passe sa bouteille d'eau, il lui passe l'argent, et fi hada al-hal, ils sont excusés. Limadha? Li'anna ya une darura. Wa darura tubih al-mahdhur. Kama ja'a fi al-qa'ida. Vous voyez le lien fi al-fiqh? Avec ces qawa'id, comment tu peux comprendre? Wa lillahi al-hamd. Ma balouk wahid, il se précipite. Mathalan, il rentre fi al-majid et il les a vus faire cette transaction, acheter cette bouteille d'eau. Il se précipite. Il ne connaît pas ses qawaïd, il ne connaît pas ses usul. Et à la fin, yunkir, limada, tu as vendu. Et taqillah, tu penses qu'à l'argent, les gens, ils ont fait salat. Fi hadha al-hal, c'est un manque de hikmah. C'est pour ça que les ulama, ils insistent. Akhi, demande. Demande, ya akhi al-karim, salam alaykoum, je t'ai vu, ton magasin est encore ouvert, il est venu, foulan, il t'a acheté une bouteille d'eau. Et tu lui montres, tu lui fais, akhi, est-ce qu'il y avait une chose ou... S'il te dit en fait, il n'avait pas, tu lui dis, barakallahu fik. Mais si tu te précipites fait l'incar, tu ouvres un bab char à la nefsik. Fahada la yambari, al-insan da'iman at-ani, surtout quand tu sais que celui qui a fait cette chose, il est à la khayr. Et il aime sunnah, il fait des efforts pour appliquer sunnah, fala tastajil. Si c'est un jahil, ça arrive, on le voit ici. Ba'd al-awam, matalan, le khutbah a commencé, le hanout il est encore ouvert, ou ils vendent encore devant le masjid. Si tu conseilles, fa billati hiya ahsan. Comme les gens ne savent pas ces ahkam. Ba'dhom ils pensent que l'interdiction de vente, ahem shay, il ne faut pas manquer la salat. Quand il y a la salat, ils rangent tout et ils rentrent. Al-insan la bud min rifq, surtout à cette période. Les gens ne savent pas. من هذه القواعد كثير منهم لا يعلم شيء من هذه القواعد كذلك vous avez vu l'importance de هذا العلم avec les قواعد tu sais que le commerce la même sourate c'est interdit une autre sourate c'est permis لماذا لأن tu as une قاعدة quand il y a une ضرورة c'est autre chose et tu arriveras à comprendre مسائل العلماء في هذا الحال أي que العلماء ils ont cité فهذا والله أعلم هذا الصحيح قال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا مقابل الصحة بعضهم يديز الباطل بعضهم يديز الفاسد et on verra que Cheikh Al-Uthaymin il a différencié à la fin par rapport au madhhab Hanbali على كل حال الفاسد أو الباطل c'est في مقابلة الصحيح et الصحيح c'est que ce contrat de vente il est valide فاسد il est pas valide قال الذهاب ضياعا وخسرا ça c'est في اللغة واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا وهذا c'est l'inverse du صحيح أي si cette عبادة est باطلة tu dois la refaire et si ce عقد il est باطل فمثلا cet acte de mariage il est pas صحيح il est باطل il est facile à cause de certaines choses cet homme ne peut pas avoir de rapport avec cette femme. Il est obligé d'attendre حتى العقد soit صحيح. فهذا قوله لا يترتب آثار فعله عليه. Que ce soit une عبادة ou un عقد. قال فالفاسد من العبادات ما لا تبرى به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. لا تبرى به الذمة أي il n'a pas encore fait الصلاة. Donc s'il la délaisse, il peut se faire châtier. ولا يسقط به الطلب أي il doit la faire. Contrairement à celui qui l'a déjà fait. Qu'à salat, qu'à le waqt. L'imada, l'annahu, il a fait salat avant l'heure. Qala wal fasid min al-uqud. Ay, un acte qui n'est pas accepté. Fasid, batil. Ma la tatarattab atharuhu alayh. Ka bay' al-majhoul. Bay' al-majhoul, c'est pas accepté. Et ça arrive, hada. Surtout l'an avec les nouvelles transactions sur internet et autres. Ahyanan, hada, ça arrive. Anna wahad, il vend une chose ou il achète une chose. Ou plutôt... Ou il va vendre quelque chose de majhoul et celui qui achète, la yadri. Il n'a jamais vu, il ne s'est pas commencé, lakin il achète à hakada, fahada, ce n'est pas permis. Il y a des tafsir, on ne rentrera pas sur internet si c'est décrit, si c'est photographié, la akhiri, ça c'est des autres sujets. Nous on parle d'un sujet clair, où il vend une chose et celui qui va acheter, il ne l'a pas vu, il ne sait pas c'est quoi. Fahada, la yadjouz. Limada, l'anarobama, quand tu vois cette chose, elle ne te plaît pas. Tu ne t'étais pas imaginé que c'était comme ça. Ou la qualité, quand tu touches, elle ne te plaît pas. Fi hada al-hal, al-shari' dans notre din, la porte elle a été fermée. Tu vends une chose, ma'louma, wadiha. Wadiha, tu vois cette chose. Et si tu veux la prendre dans tes mains, matalan, c'est une chose qui se prend dans les mains, tu la vois. Ida amkan, bien sûr, si c'est possible. Le ulama, il cite, matalan, quand tu achètes une maison, tu ne peux pas voir l'SS. Tu vas acheter une maison, tu ne peux pas voir les fondations. Tu ne vas pas demander à voir les fondations. Il y en a les fondations, elles suivent la maison. Enfin, si tu vois la maison, elle te paye la akhira. Enfin, les fondations, ça suit. La Kenida Amkan, si c'est possible, face à un short. Qala, Cheikh Ibn Uthaymin, il a un mithal wadih. On avait noté, Andur Shorh Nadm al-Waraqat, page 38. Hada, c'est Mohim dans les moutouns. Si tu ne peux pas noter un mithal, ou un ta'rif, ou une faïda qui est assez longue, note al-Murji'a. مثل هنا أن إلى سيتي كم إكزامبل بيع المجهول في الحقيقة يكفي لكن si tu veux peut-être que les élèves ils ont besoin d'un autre exemple لأن الأصول vous avez remarqué que c'est des fondements des définitions et tu dois les lier avec des exemples وإلا si c'est pas lié avec un exemple خاصة les débutants ils auront beaucoup de mal فأنت dans ton maître si tu peux pas tout écrire écris au moins التعريف si tu peux pas écrire التعريف écris au moins la référence tu écris مثلا انظر شرح كذا page كذا le jour où tu reviens même des années après tu as ta note tu as plus que si tu as la référence tu reviens et alhamdoulillah قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله مثال ذلك Cheikh Ibn Uthaymeen, on a, il a cité un exemple sur le commerce. On a un exemple sur le mariage, il est un peu plus clair. مثال ذلك رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره. Ça veut dire quoi, العدة لغيره? Une femme, elle a divorcé. Et تعلمون, il y a العدة. Elle doit rester une certaine période, plusieurs cycles de règles, avant de pouvoir se remarier. العدة فيها فوائد كثيرة. Parmi ces فوائد, si c'est le premier talaq, le deuxième, le premier mari peut récupérer sa femme. Ça reste sa femme, fait la haqiqa. Il l'a divorcée, lakin elle est muta'alliqa bihi. À tout moment, il peut la récupérer. Cette femme, donc, fait hadil idda, elle n'a pas le droit de se remarier. Limada. Première chose, son mari peut la récupérer. Deuxième chose, peut-être qu'elle est enceinte. Donc, en attendant les cycles de règles, si elle a les règles et elle n'est pas enceinte, falhamdulillah. Avec les autres conditions, si la idda est finie, elle peut se remarier. فرجل تزوج امرأة في عدتها. Une femme, elle est avec son mari, il la divorce. Mathalan, ça fait 3 semaines qu'il a divorcé. Elle n'a pas encore eu le cycle de règles, la idda n'est pas finie. Un homme, il la demande en mariage. قال الشيخ ابن عثيمين والعدة لغيره. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a donné l'exemple avec le premier mari, son mari. قال فالعقد باطل لأن العلماء مجمعون على فساد نكاح من تزوج امرأة في عدتها. Vous avez vu, il est facide, il est bâtil, limada, il y a une chose qui annule cet acte de mariage. Même s'il a les autres. Mathalan, il est venu avec al-wali, il a le mahr, la femme elle est d'accord, lui il est d'accord, toutes les conditions du mariage sont réunies, il y a quelque chose qui le rend facide, elle est fi iddatiha. Elle est obligée d'attendre. Et si son premier mari la récupère, Riyad al-Hala doit revenir au premier mari, elle ne se marie pas avec l'autre. Ahada. قال لأن العلماء مجمعون على فساد نكاح من تزوج امرأة في عدتها إلى آخره إلى ست قول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم هذا من سورة البقرة معروف. فالنكاح باطل. Donc tu n'as pas le droit de demander une femme en mariage qui est déjà sous un contrat de mariage. لماذا لأن son mariage le premier il n'est pas encore annulé. Il l'a divorcé. Elle est بالعدة. Elle peut revenir à tout moment. Et alhamdulillah ça reste sa femme. Si c'est 3 fois, c'est autre chose. Nous on parle, elle est encore fil id. Et ce cycle où l'homme il est capable de récupérer sa femme. Elle a déjà un contrat de mariage. Elle n'a pas le droit d'en avoir deux. C'est une femme. قال رحمه الله وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. Ça c'est une faïda. Si il est facide, c'est que c'est محرم. فمثلا l'homme qui demande à une femme, il demande cette femme en mariage alors qu'elle est fil iddatiha. Elle est encore mariée au premier, même s'il l'a divorcée, il peut la récupérer. Cette demande, c'est haram, la yajouzoula. Il n'a pas le droit. Vendre quelque chose qui n'est pas en ta possession, bay'a quelque chose la tamliko, c'est haram. Bay'a quelque chose de majhoul, c'est haram. Donc dès que c'est facet, c'est haram. Faire un siyam pour la femme qui est en état de haït, c'est haram. لماذا لأن في حالها على مانع elle doit pas faire un siyam. Faire un salat sans l'odo, mutamidan, c'est très très grave. C'est haram. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا. C'est pour ça que بعض العلماء يكفرون. Ils font sortir de l'islam celui qui fait salat sans l'odo. Si son qasd, bien sûr, c'est l'istihza. Tamal wahad, il veut pour se moquer et il fait une salat et sans l'odo et il se moque. بعض العلماء يكفرون. لماذا لأن cette عبادة faut qu'on l'عظم. أما faire la salat sans wudu pour se moquer عياذا بالله هذا لا شك لا يحصل من مسلم. Ça arrivera jamais d'un musulman. Un musulman s'il fait la salat sans wudu, c'est qu'il a oublié, il savait pas. أما من باب الاستهزاء c'est très très grave. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست من كتاب الله. نعم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Chaque short qui n'est pas dans le Coran et qui n'est pas dans sa sunna, il est batil. Même si c'est sans short. Donc ça nous montre la gravité de هذا. Ça nous montre كذلك أن الإنسان يقتصر على الشروط qui sont في الكتاب وفي السنة. Il ferme les portes de l'Ouassaus. Que ce soit في العبادة, que ce soit في العقود. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le mariage. Enfin, les شروط, ils sont clairs. أحكام وضعية. Ça veut dire quoi وضعية? وضعها الشارع. Et qui c'est qui a cité ces shurut? C'est Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ou il les a révélés à son prophète alayhi salatu wa salam. قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. قوله في موضعين أي عند الحنابلة. عند الحنابلة. Ça c'est عند علماء الحنابلة qui suivent le madhhab Hanbal. وإلا les savants en général, ils font pas de différence entre le fasid ou le batil. وإلا بعض العلماء, ils ont fait la différence dans deux points. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. فعلماء المذهب الحنبلي, ils ont dit que le fasid والباطل c'est la même chose. Fasid batil, ça veut dire, le batil, ça veut dire qu'il n'est pas accepté, qui est refusé. Quelque chose de fasid qui n'est pas accepté, refusé. C'est la même chose, في الحقيقة. لكن علماء, بعض العلماء من مذهب الإمام أحمد, ils ont différencié dans deux points. Ils disent que c'est pas pareil. On lit ces deux points. الأول في الإحرام. فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه أو ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول, فقالوا أن صحج في هذا إلى فاسد في الإحرام أو الإحرام بلتو إلى فاسد أو في الإحرام. فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول. قال والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. Vous avez remarqué que dans cet exemple, al-batil, il est pour eux, il est plus grave que al-fasid. Et ça, c'est عند علماء المذهب الحنبلي. قال والثاني في النكاح, ils ont différencié. فرقوا بينهما بأن الفاسد مختلف في ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. نعم, كامرأة زوجت نفسها. فالولي سان شرط على الصحيح. Ceux qui disent أنه يجوز بلا ولي, فقول il est pas صحيح. ففرقوا بينهما بأن الفاسد, فعند الحنابلة يدسك هذا اللي فاسد. لماذا؟ لأن في شيء من الخلاف. يدس pas باطل. على كل حال, le mariage il est pas permis, il est pas l'acte, il est pas valide. لكن ils appellent cela فاسد. لماذا؟ لأنه ينخلاف. وإلا فالصحيح أن النكاح بلا ولي il est باطل. قال والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. Qu'on a vu ensemble dans l'exemple qu'on a lu من شرح نظم الورقات. En s'appuyant sur le verset de Surat Al-Baqarah. Avec le hal, cette dernière partie, Al-Amr Sahel. L'essentiel, pour nous, Al-Fasid, c'est le Batil, Batil, c'est le Fasid. Bar al-Ulama, ils ont un istilah dans certaines masa'il, qu'Al-Hanabila, et la conclusion, c'est la même. Anna, dans tous les cas, cet acte ou cette ibada, elle n'est pas acceptée. Wallahu ta'ala a'lam. On voulait lire ma yata'alaq bil-ilm, lakin la prochaine fois. Hada al-bab, il était muhim. Si on a compris هذه الأبواب في الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية فبإذن الله عز وجل on aura des bonnes bases في هذا. ثم le bab suivant il est simple. الكلام c'est un bab مهم. لماذا؟ لأن on va voir une مسألة qu'on a souvent cité في العقيدة, on n'a pas détaillé, elle est citée هنا. ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. العلماء ils le citent في كتب الأصول لأن c'est lié avec le كلام. On résume le cours d'aujourd'hui أن الأحكام الوضعية كما قال الشيخ ابن عثيمين ما وضعه الشارع من أمارات أي سدي علامات كي سون سيتي في القرآن أو في السنة pour montrer que telle عبادة أو telle معاملة مثلا tel عقد que ce soit mariage, vente ou autre il est valide أو il est pas valide. Et on a cité beaucoup d'exemples. فالعلماء ils ont cité comme catégorie في الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد الباطل. الصحيح quand elle a accepté et on a lu ensemble Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen et Al-Fasid quand c'est pas accepté. Donc il doit refaire imma ce aqd, imma cette ibada. Et Al-Sahih il est accepté comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen ida qala fala yakun sahihan illa bitamam shurutihi wa intifa mawani'. S'il y a tous les shurut et il n'y a pas de mani' ou law un, fa al-ibada al-aqd il est sahih. S'il manque un shurt أو يا أمانيع ففي هذا الحال سعقد أو ست عبادة سبا صحيح الإنسان اللي obligé de refaire. فهذا إلى cité des exemples في الشرط وجود الشرط أو في انتفاء الشرط plutôt et في وجود المانع qu'on a lu ensemble et qui sont très très simples. Résumé هذا dans votre révision c'est très très simple avec l'ahkam التكليفية. Et le prochain cours inshallah s'il y a un ishkal on regardera ensemble thumma on continue l'étude de hadhihi ar-risala an-nafi'a. Celui qui veut plus d'exemples sharh al-waraqat de Cheikh Ibn Uthaymeen. Al-waraqat c'est exactement le même livre que l'usul min al-usul, c'est les mêmes masail. T'as plus qu'à regarder dans le sommaire et tu cherches l'ahkam. C'est toujours au début en général. Al-taklifiyya, al-wad'iyya, tu regardes le chapitre l'ahkam al-wad'iyya dans dans Sharh Nadl Muwarraqat de Cheikh Ibn Uthaymeen, tu verras que c'est exactement le même kalam. Sauf que vu que c'est un Sharh, il a cité plus d'exemples. Amma Huna, c'est pas un Sharh, c'est un matni. Il cite que l'essentiel, bien sûr, en citant quelques exemples. Et kadhalik, son Sharh de Al-Usul Mi'in Al-Usul, la Sheikh Al-Nahu, il a cité plusieurs exemples. Faradi'u, et Inch'Allah, le prochain cours, on continue. Alhamdulillah.